CFOU 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Anne-Julie Durocher nous pointera son coup de cœur de la semaine dans son segment L'Index. On jasera d'art et spectacle avec Alexandra Carignan et le temps d'une culture et on répondra aux interrogations de la vie dans Arrête avec tes questions. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin et bienvenue en direct à Assemblage requis en ce mardi 10 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, en direct. En direct. Yeah! Dans le studio de C'est fou. Oui, ben c'est ça. C'est comme ça. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. C'est vrai. C'est une phrase clé. Clé, oui. Qu'on a abandonnée. Un peu comme l'émission matinale en pièces détachées. On s'en sert pas assez. C'est pourtant un slogan de la mort. Mm-hmm. Ça veut rien dire, mais c'est cute. Oui! C'est cute. C'est comme nous autres, on veut rien dire. Mais on est cute. Je voulais pas le dire dans mon cas. Je trouve ben ça marche oui. pas, mais c'est pas grave. Ben oui. Donc aujourd'hui à l'émission, on a, merci en passant, Anne-Julie Durocher. Et à sa chronique L'Index, elle nous parle comme toujours de coup de cœur. Je sais pas encore nécessairement de quoi elle va nous parler, mais je crois que si je me fie à Facebook et à sa présence dans mon bureau hier, je crois que ça a rapport avec un cinéma. Oh! Mais peut-être le tapis rouge? Peut-être. Ensuite de ça, Alexandra Carignan va être avec nous vers les 9h pour sa chronique Le Temps d'une culture. Et elle, c'est toujours de l'art et spectacle, des sorties, des choses à faire dans le domaine de l'art visuel, l'improvisation. Oui. C'est le fun. Elle va souvent nous parler de la Luître ce soir. Ce soir, j'y serai. Ah oui? À la Luître. Est-ce que c'est à la Chasse-Galerie ce soir? Oui. Oui, il semble que oui. C'est un jour spécial. Tout c'est le lundi. Et il faut s'adapter à l'horaire. Là. Oui. Voilà. Sinon, autour de ça, dans les chroniques maison, on a bien sûr, c'est un fait. Retour inconditionnel de cette chronique d'apprentissage selon Internet. À chaque fois que je la réécoute, je fais comme, ça me semble pas l'air vrai, ça. Donc, on verra tantôt. Et arrête avec tes questions aussi dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, des questions auxquelles nous aurons la réponse. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Tu sais, par exemple, là, les 1000 îles dans mon vinaigrette 1000 îles, là, ils sont où ces îles-là? Ouais. Y en a-tu vraiment 1000? On va savoir tantôt. Ben, voilà, voilà. Mais pour l'instant, on va commencer en musique avec pourquoi ne pas aller entendre Navert? Oui. Ou comme tu le dirais, Navet. Navet. N'avait aucune idée. N'avait pas. N'a pas pensé à ça. Ça. Non. Donc voici ta cadence. Sur ses. Ouais. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Je m'en allais le faire, puis finalement, j'ai laissé tomber. Tu parles à cadence, le jour et la nuit.

C'est comme un petit animal poilu, mais qui est de la grosseur d'une bébête qui va venir te piquer, te déranger dehors. Donc voilà pour C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. C'était magnifique. Je le sais, je vous entends d'où vous êtes dire que c'était fabuleux. Fabuleux. Tiens, on retourne en musique, on s'en va entendre une autre pièce. Hier, on a essayé une nouvelle chanson de Mimi Van Der Glo, Semi to Crush, leur chanson titre. On a déjà mis ça dans ta pipe sur notre palmarès, donc moi, j'ai envie de l'entendre. Accident de char, Mimi Van Der Glo, tout de suite au 89.1 FM. Vous êtes assez fous dans vos oreilles. We'll be right back. trop beau. Ton sourire se déchire. Tu t'égares en y glissant de jolis mots. Et avec tes gestes qui en disent trop. Voilà ma tête sur un plateau. T'as posé ma tête. Tu m'attaches les mains sur une chaise. Subitement, l'atmosphère change. Tu tires sur ma langue. Avec tes poings, tu tapes la cadence. Tu m'embrasses par surprise. Jouer à la garce, ça t'amuse bien. Tu prends toujours plus de risques. Tu n'es plus sûr de rien. Quand tu nourris tes propos, ton sourire se déchire. On a créé un monstre avec ma tête sur un plateau. Oh oui! Oui. Et parlant de plateau, ben tantôt, je vais monter d'un palier votre niveau de connaissance encore une fois. Oh! Hein? Avec Arrête, avec tes questions. Ah! Rassemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Dorénavant, à chaque fois que je vais entendre cette identification-là, ça va me rappeler l'entrevue qu'on a eue hier. Oui, moi aussi. À chaque fois. Je pensais à ça. Si c'est pas là, ben désolé pour vous. Retrouvez la balado sur assemblagerequis.com. Beau lien. Ça, c'est des beaux liens, ça. Ah, Colin, c'est comme Internet, hein, des hyperliens sur l'autoroute de l'information. Partout, partout. HTTP2.com. Oui, c'est bon. Le truc qu'on n'est plus obligé de dire à chaque fois. Mais qui est bien drôle. Donc, dans quelques minutes, on va faire arrête avec tes questions. On a vraiment des questions assez intéressantes aujourd'hui, je pense, encore une fois. Oui, moi, j'aime bien. Oui. C'est toi qui les as toutes trouvées. Oui, ben oui, tout à fait. Pour ça, voici OK Go et This Too Shall Pass Passion Pit Remix. Remix! Oh. C'était OK Go avec la chanson qui s'appelle Boston George. This Too Shall Pass Passion Pit Sunday Hangover Remix. C'est vraiment une version par Passion Pit d'une pièce de OK Go. Et pendant la chanson, on parlait entre autres de tes de ma voix qui est un peu plus présente qu'hier. Elle revient tranquillement pas vite parce que tu as réussi à trouver ton élixir. Mais, oui, mais à moi, mais décongestionnant. C'est quoi donc? C'est dimanche. Justement, j'étais extrêmement congestionné, donc j'ai décidé d'aller à la pharmacie. Puis il n'y avait plus mes décongestionnants, dont je vais dire le nom plus tard. Donc, j'ai pris des Tylenol, rhume, sinus, ça marche cold jamais, fix, ça. Tout. Là. Puis non, effectivement, ça marche pas, ça n'a pas marché du tout. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'avais l'air de ça. Et puis, ça... Et puis hier soir, après le travail, dans le fond, je suis parti. Tout ça, je me suis dit, je vais toutes les pharmacies. Jusqu'à temps que je trouve ma marque. Et puis, j'en ai trouvé au Jean Coutu. J'étais vraiment content. Il restait une boîte. Ça ne doit pas être ta marque juste à toi, parce que sinon, il en resterait plus. Ouais, mais je pense qu'il y a un petit problème d'approvisionnement, à ce que j'ai cru comprendre. Okay. Mais là, je voulais en acheter tout plein, parce qu'en me disant, bon, je vais faire mes réserves comme un écureuil. Qui réserve... bien. Oui. C'est ça la bonne solution dans la vie. Donc, moi, c'est des Antex. Antex. Antex LA. A-N-T-E-X? E-N-T-E-X. Okay. Espace LA. Puis, écoute, ça va durer 12 heures. C'est une espèce de pilule qui ressemble à une noix de coco, là, tellement que c'est gros. Hey. T'as découvert ça comment? Ouais, dans le temps, là. Remets de ta grand-mère. Oui, c'est ça. Mais écoute, ça marche tellement, là, ça fait tellement du bien. J'ai bien dormi. Cool, ben merci. Check-moi la shape. T'as l'air en forme, là. Oui. Pas en forme de noix de coco. Non, ben merci. C'est en forme... De banane. De banane. C'est cool. Et en même temps, tant qu'il y a des anecdotes, là... Ouais. Jean-Philippe me dit, je vais essayer de bien remplir mon cadeau aujourd'hui. Parce que là, je disais le nom de la toune, tu sais, This Too Shall Pass, Passion Pix Sunday Hangover Remix. Il me dit, je vais le prendre comme faux, tant qu'à faire. Oui. J'ai dit, hey, hier, là, qu'est-ce que t'as tapé comme nom d'une pièce? C'était la chanson de Zeus. Oui. Le début de. Ballad of El Hudo. Oui, c'est ça. Puis j'ai écrit The Ballad of Boston George. Il a mal entendu. Vraiment. Ben oui, c'est le gars qui met la crème Boston dans les... Oui, oui George. Il a tué, c'est un tueur en série, fabricant de beignes. Oui, c'est ça. C'est le Queen Boston Strangler. Il est vraiment bipolaire. Le jour, il remplit les beignes, puis de nuit, il tue comme Dexter. C'est génial, génial. Donc, après ce beau bloc d'anecdotes... J'en ai une autre. Continue. Ceux qui étaient là depuis le début de l'émission en direct... À 7h30. Oui, ils ont peut-être remarqué qu'il y a un petit bout où j'étais pas là. Oui, parce que je suis allé moucher, puis la porte du studio était barrée. Ah! Là, je grattais comme un petit chat dans la porte. Ou comme Dino dans Pierre à feu. Oui, mais là, je te regardais, j'écoutais ce que tu disais, puis là, j'essayais d'interagir tout seul. Et les gens dans le corridor me trouvaient vraiment bizarre. Pygmy Shrew. Callback. OK, bon. Plein d'anecdotes de même. Ben, c'était le fun. Non, bon, je trouve 3 minutes, c'est bon. C'était parfait. Donc, moi, à place, je vais répondre à tes questions brûlantes. Questions qui te brûlent littéralement la langue. Oui. Donc, si tu veux me dire d'arrêter avec mes questions, on va se faire. Non, non, arrête pas. Mais je pourrais pas partir d'intro si tu me dis pas là. Arrête avec tes questions, Mathieu. Le chéri, par contre. Hein? Non, mais... La prochaine fois, je dirai ça. Avec chéri Mathieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Non, c'est vrai que ça fait longtemps. Et voilà. Donc, première question. C'est pour ça que ça m'est pas venu de même. Là. J'ai perdu. Je suis rouillé. Le réflexe. Le réflexe. T'es rouillé. L'anthrax. Oui. L'anthrax. Boston George. Bref. Non, c'est crème Boston Strangler. Donc, première question, s'il te plaît, Jean-Philippe. Oui, ben écoute, Mathieu, des fois, on fait des callbacks, flashbacks et tout. Puis là, tu sais, dans la vie, là, on parle souvent de l'homme de Néandertal. Oui. Et puis après ça, tu sais, t'as faim, t'as envie de faire tes crocs sur des filets mignons. Crocs mignons. Oh! OK, je vais avec une question bien simple. Et moi, c'est pas une blague de magazine crocs. Ça, ça aurait été déplacé. Ça aurait été déplacé. C'est quoi la différence entre Néandertal et Cro-Magnon? Si on fait un versus. Un versus, c'est fight to the death. Finish him. Si on y va rapidement, genre l'explication courte, c'est que l'homme de Néandertal est plus primitif, mais plus fort, alors que les Cro-Magnons sont dans le fond l'évolution. La dévolution, c'est nous. Ah. C'est nous dans le temps, dans si le on temps. Comprend. Donc, c'est beaucoup plus insultant de traiter quelqu'un de Néandertal. D'accord? Donc, Néandertal, Homo Neanderthalensis, dans le fond, ça a été découvert dans la vallée de Néander, en Allemagne, en 1856. Ils ont commencé à être sur la Terre il y a entre 100 000 et 200 000 ans, plus ou moins,

moment to myself now. Escaping from my man's day. My demons in a hold me. Taught me you control me. I hope that when you read this note, you know that I'm well aware that I'm not close to perfect. I know you don't deserve this. You want me to put out answers to myself. Gates of Hell de Hunter Valentine. Oh, oui. Ah, ça, c'est un méchant succès du palmarès anglophone des derniers mois, en fait, je pense, l'année passée. C'était bon, maudit. Mm-hmm. Mm-hmm. Au retour, Angie Durocher et ses chroniques L'Index. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 10 septembre 2013. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, on a Kayane Julie Durocher qui arrive ce matin avec un compliment. Là. Oui. Oui, je disais ce matin dans la voiture avec ma coloc à quel point on aimait Assemblage requis le matin, que ça nous mettait de bonne humeur. Hey, bon, évidemment, il fallait que je dise vous êtes bonne menteuse. Mais non, même pas. On aime ça vous écouter le matin, vous nous faites rire. Oh. Qu'on aime ça faire ça. Oui, moi, ça me fait moucher. Oui. Il est rempli d'émotions. Il en mord partout. Oui. Le liquide coule de tous les orifices possibles. Ça, c'était déplacé un peu, je trouve. Un peu. Il est juste 8h30. Pour le matin, c'est ouais. Pas comment. Les céréales. Ah, d'accord. Donc, Angie Durocher, oui, c'est elle qu'on accueille à l'instant parce que voici sa chronique à l'index. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt un index qui réveille. Il faut commencer par le mot merci, parce que quand quelqu'un te fait un compliment, il faut dire merci, on l'a pas fait. Fait que merci. Merci. Non, ça fait plaisir. On aurait dû le dire ensemble. Oui. 3, 2, 1. Merci! Merci. Oh. Ah, on est aussi bon que pour enregistrer des publicités. Oui. Toi et moi. Chose qu'on va faire tantôt. C'est ça. Donc, Angélie Durocher, chronique coup de cœur, l'index, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vous présente le film Carré rouge sur fond noir. Oh. Donc, le film a été présenté en grande première le 26 août dernier en simultané au cinéma Excentris à Montréal et sur les ondes de Télé-Québec. Donc, je viens vous parler de ce film documentaire. Là. Bon, le film est toujours présenté au cinéma Exentriste. Il est aussi présenté depuis la semaine dernière au cinéma Tapis Rouge à Trois-Rivières. J'espère qu'ils appellent ça Tapis Rouge sur plafond noir. Oh! Non. Non. Non. il est aussi présenté pour les gens de Québec au cinéma Quartier. Donc, plusieurs l'ont écouté, là, j'imagine, sur les ondes de Télé-Québec. Mais sachez que ce n'est pas la version originale. Il y a des coupures, des bouts Ouais, ouais, ouais. Puis aussi, en fait, la version qui était présentée sur les ondes de Télé-Québec se retrouve aussi sur YouTube. Et celle-là aussi, c'est la version là, coupée. Là, il manque, en fait, 28 minutes. Ah, non. Donc, allez... Tant qu'à le regarder. C'est ça, allez le regarder au complet. Moi, je me suis comme interdit de le regarder pas en version originale. Donc, j'ai attendu. Et finalement, je suis allée le voir dimanche soir. Fait que je viens de en parler ce matin. Génial. Donc, c'est un documentaire bon, qui présente les militants et les militantes de la classe. Là, pour ceux qui ne se rappellent plus l'acronyme, c'est la Coalition Large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Donc, c'était une coalition qui regroupait toutes les associations étudiantes qui avaient un mandat de gratuité scolaire et un mandat de grève pendant le printemps 2012. Le printemps érable, maintenant nommé. Savez-vous que le printemps érable se retrouve dans le Robert, maintenant? Oui, ben elle me l'a dit lors de l'entrevue. Madame Briveau, la porte-parole du Petit Robert, on en parlait hier à l'émission. On l'a reçu en entrevue. Bon, ben c'est ça. Fait que C'est cool. Très gros. Je suis pas sûr du nom, là. En tout cas, on pourra en discuter à me donner, le printemps t'as arabe. Trippé, Non, mais en tout cas, c'est comme une référence au printemps arabe, mais qui avait comme d'autres visées, qui était un autre type de soulèvement. Je suis pas, pas très, très certaine, mais en tout cas, peu importe. Et tout est plus salé que sucré, de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est quand même cool que ça se retrouve dans le dictionnaire. Donc, c'est ça. C'est le documentaire présente donc des militants et des militantes de la classe, dont Gabrielle Nadeau-Dubois et Jeanne Reynolds, qui étaient les deux co-porte-parole de la classe lors du printemps 2012. Ce documentaire-là, en fait, va les suivre de l'intérieur de la crise étudiante. On a souvent eu un regard très extérieur par les médias. Mais en fait, là, c'est justement, là, c'est un regard très privilégié qu'on a de certains moments. Là, on a des réunions de l'exécutif, des préparations de points de presse, des votes, de manifestations, mais à l'intérieur des manifestations. Donc, ça fait différent du regard des journalistes qu'on a vu là, passer, là, que ce soit dans les journaux ou à la télévision. C'est très différent. On les voit aussi là, lors des rencontres, des négociations. Il y a eu 4 rounds de négociations avec le gouvernement. Donc, on voit les négociateurs de la classe, ils nous parlent de comment ça se passe, là, les négociations, puis plusieurs heures d'affilée de négociations, on les voit exténués et très tannés de tout ça. Et fait que c'est un regard qui est très intéressant. Comme j'ai dit, il y a, oui, des moments dans les manifestations, dans les points de presse et tout ça, les réactions. Mais c'est aussi, là, on fait un portrait des principaux là, acteurs qui ont joué là, un rôle durant la crise étudiante. On nous révèle en fait la réalité quotidienne de ces militants-là. Qu'est-ce que c'est pour eux une journée pendant la crise étudiante, qui est une journée très, très, très chargée. Là. Oui, qui doit commencer très tôt et finir très tard. Oui, c'est ça. Ou s'étaler, là, une journée peut s'étaler sur plusieurs jours, passer des 48 heures sans dormir. C'était leur réalité quotidienne, disons. C'est avec un style de caméra virée, donc c'est pas sur un trépied, on les suit vraiment, là, caméra à l'épaule. Ce qui donne aussi un style au documentaire, on a l'impression de revivre certains moments, certaines manifestations. Très télé-réalité, mais au cinéma. Oui, c'est ça, un peu... c'est un bon comparatif, j'aime ça. Merci. Est-ce que c'est des scènes originales ou est-ce qu'ils ont été capables de capter des scènes vraiment quand ça s'est passé ou ça a été recréé de toutes pièces? Oui, c'est vraiment les scènes, là, c'est sur le moment. Okay. C'est sûr que beaucoup... Moi, personnellement, j'avais beaucoup regardé, j'avais suivi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements. C'est pour la première fois que je vous en parle. Il n'y a rien de nouveau pour moi qui était présenté. Beaucoup de scènes que j'avais déjà vues sur YouTube, passer dans les réseaux sociaux. Mais ça reste quand même intéressant de les revoir, mis dans un contexte. C'est ça. Puis, pour quelqu'un qui aurait suivi le mouvement, plus ou moins, ou qui n'était pas nécessairement impliqué, ou qui n'est pas allé voir toutes les vidéos possibles et imaginables, c'est très intéressant, justement, de retrouver ça dans un documentaire. Là. Et dans l'ordre aussi, parce que c'est pas juste une question de contexte, c'est une question de temporel aussi. Ouais, tu sais, vraiment, t'as dans l'ordre des événements comme ils se sont passés. Ça part du début, là, de quand Jeanne et Gabriel sont nommés porte-parole, sont pas cernés, il y a un beau petit teint, puis Je suis gris à la fin. Ouais, c'est ça, c'est quasiment ça. T'sais, au début, ils sont comme, ah, ben, tu sais, on part un mouvement, mais ça, ils connaissent pas l'ampleur, comme personne ne pouvait connaître l'ampleur que prendrait le mouvement. Donc, ils sont tout fringants et ils disent, ah, ben, on s'en va en grève. Mais finalement, un an plus tard, parce que ça s'échelonne sur un an, tout ça, sont très fatigués. Et c'est très différent aussi. Là, on voit aussi un moment très privilégié de quand Gabriel annonce à ses proches qu'il va remettre sa démission. Le mouvement n'est pas terminé. Ça, oui, on savait qu'il avait remis sa démission, mais comment ça s'est passé? Pourquoi il fait? Ça, c'est intéressant aussi de le voir. Il y a justement des moments comme ceux-là qu'on retrouve dans le documentaire qui sont intéressants, qu'on n'aurait pas pu voir si ça n'avait pas été du documentaire Carré rouge sur fond noir. Oui. Puis aussi, c'est intéressant là, pour tout ce qui est des archives. Là. Comme je l'ai dit, oui, on retrouve beaucoup de petits morceaux sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais là, de l'avoir dans, tout mis dans un contexte, ça, c'est intéressant. Donc, on voit justement là, les rouages internes de la coalition. Donc, pour quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne, le mouvement étudiant, ça aussi, c'est intéressant. Comment on peut débattre d'une proposition? Comment une proposition peut être construite? Quels sont les échanges? Parce qu'on voit aussi ces échanges-là entre les différentes associations réunies en congrès. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le mouvement étudiant, ça aussi, c'est intéressant de voir. On a une image qui nous a été véhiculée par les médias. Mais comment ça se passe réellement au congrès? C'est une autre chose que ce qui était présenté dans les médias. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour... ça amène un autre point de vue. C'est sûr, c'est très militant, là. On ne se le cachera pas. Ça a été fait... C'est teinté un peu. Oui, oui, oui. Il n'y a pas les deux côtés. Pas juste un peu, là. C'est très teinté, là. Si vous étiez carré vert, là, vous n'allez pas comme changer d'idée, là. Regardez avec des lunettes rouges. C'est ça. C'est sûr que moi, bon, je suis très vendue. J'ai été très vendue pour la cause. Bon, j'y ai pris part. Fait que pour moi, c'est intéressant. Je le conseille pas à tout le monde. C'est pas un documentaire comme... C'est pour te faire dire ce que tu connais déjà ou l'opinion que tu as déjà. C'est te faire envoyer toi-même ton opinion. C'est sûr, si vous aviez une opinion autre puis que ça vous tente d'aller le voir. Vous allez sortir de là fâché. Ouais, c'est ça. Ben, je suis sortie de là vraiment en colère, là. Ça te fait vivre des moments. Tu revois la joke de Jean Charest au plan Nord. Ça te remet encore en maudit. Ça aussi, c'est très intéressant parce que tu vois, il y a des images captées à l'intérieur du Palais des Congrès. C'est des images, ceux-là, qu'on n'avait pas vues. On avait vu, les images à l'extérieur de la manifestation, mais à l'intérieur, comment ça s'est passé parce qu'il y a eu des manifestants à l'intérieur. Donc, ça aussi, c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Mais moi, je suis sortie en colère. Il y en a qui sont sortis émus. Ben, pas émus, mais comme. Ah, c'est des... Touché. Ouais, c'est ça. Je peux pas dire, genre, c'est des beaux moments, là, parce que voir du monde se faire matraquer, c'est pas intéressant pour personne. Ça va raviver différents sentiments. Il y en a beaucoup qui sont sortis en colère, dont moi, mais d'autres, c'est comme, ah oui, ça me rappelle des moments. Il y a de la nostalgie autour de tout ça. Donc, c'est ça, mais comme j'ai dit, ça manque beaucoup de neutralité. Là. C'est un film militant, mais c'est un film intéressant. C'est le premier, j'imagine, là, parce que j'imagine qu'il va en avoir d'autres documentaires sur le printemps érable. Mais c'est le premier, donc c'est sûr c'est intéressant de le voir. Présentement, il n'y a pas de date de sortie pour un DVD. J'espère qu'ils vont en faire un parce que moi, tout le long, j'avais le goût de faire pause, passer des commentaires, recommencer, aller en arrière. Au cinéma, c'est vraiment pas pratique. Non, pas tellement. Fait que j'espère vraiment qu'ils vont le sortir en DVD, mais il n'y a pas de date de sortie pour le moment. C'est un film qui s'écoute très bien. Il dure 110 minutes, donc près de 2 heures. Ça passe très vite, surtout pour du monde qui sont intéressés. Comme j'ai dit, là, si vous n'êtes pas intéressé, allez pas le voir, vous allez comme perdre votre temps. Vous allez perdre 110 minutes. Mais si ça vous intéresse, allez le voir, prenez le temps. Puis justement, je trouve que ça vient bien compléter. Il y a eu plusieurs livres, plusieurs critiques, là, dans plusieurs articles de journaux et tout ça. Plusieurs vidéos, comme je l'ai dit, là, sur YouTube. Mais ça, ça fait un beau bilan. Puis c'est en images, ça fait différent des livres qui ont été écrits. Donc, le film a été réalisé par Santiago Bertolino et Hugo Sanson. Donc, ils ont suivi vraiment tout le long. C'est très montréalocentriste, encore une fois. Je pense que ça va être le problème de tout ce qui va être réalisé sur le printemps érable. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a des choses, justement, que nous, étant à Trois-Rivières, on ne sait pas nécessairement comment ça s'est passé là, à Montréal. Là. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vécu. où on a vécu certains moments, mais pas tous les moments. Mmh. Donc là, de le voir comment eux l'ont vécu, ça aussi, c'est intéressant. On voit aussi toutes les dynamiques entre les différentes associations étudiantes, parce qu'il y en a comme 4, là. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir ces dynamiques-là, de voir toutes les stratégies aussi de communication qui ont été mises de l'avant par la classe. Ça rend la chose vraiment intéressante. Donc, je vous invite à aller voir le film au cinéma du Tapis Rouge. Il est présenté jusqu'à ce jeudi, donc le 12 septembre. Il était là comme une semaine au cinéma. Il y a différentes plages horaires. Allez voir sur le site internet du Tapis Rouge ou sur le site internet de Carré Rouge sur fond noir. Il y a vraiment tous les détails et tout ça. Puis un peu partout où vous vous trouvez au Québec, il va être présenté. Des fois, c'est seulement une journée, mais il est présenté pas mal. Il fait pas mal la tournée du Québec. Puis sinon, ben, comme les réalisateurs le disent, écrivez à vos cinémas. Tu savais, demandez-le. Oui, dis ça, demandez-le. Puis si la demande est là, les cinémas sont ouverts en général à le présenter. Bon, peut-être pas pendant un mois, là, mais une journée. De temps en temps, oui. Une journée. Puis comme, ben, bon, je l'ai su en préparant ma chronique, mais comme les deux réalisateurs étaient présents à Trois-Rivières samedi pour la première du film à Trois-Rivières. Fait qu'ils peuvent faire aussi des événements comme ceux-ci. Puis ça peut être intéressant de pouvoir parler aussi avec les réalisateurs qui ont quand même vécu justement tous les moments, là. Ils l'ont filmé, mais ils ont vécu aussi ces moments-là. On les voit à l'intérieur de Luco. Ça a brassé beaucoup à Luco avec la police et tout ça. On les voit à l'intérieur du cégep Saint-Laurent. On les voit à différents moments. Fait qu'eux aussi, ça peut être intéressant de parler avec eux qui ont vécu aussi tout ce printemps érable-là. Donc, c'est ça. Allez le voir. Puis pour ceux que ça pourrait intéresser, sinon, les autres, faites autre chose. C'est vrai. tu parlais que c'était au Tapis Rouge. Est-ce que tu veux garder ça pour une autre chronique ou est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu du Tapis Rouge? Ben, on peut en parler un peu, vraiment en surface. Okay. Mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau cinéma. C'est la première fois que j'y allais. Là, je pourrais même pas vous dire le prix parce que c'est mon ami qui a payé mon billet. Bon, ça, c'est dans l'ancienne usine du Nouvelliste. Oui, c'est ça. C'est ça, puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a une grande variété de films qui sont présentés là qu'on n'avait pas à Trois-Rivières. C'est du répertoire. Oui, c'est ça, c'est du répertoire. Avant, il fallait se déplacer à Montréal, puis je trouve que c'est le fun d'avoir ça à Trois-Rivières. Je pense qu'ils peuvent aller chercher une clientèle. Tu sais, le monde de l'université, je me dis, allez-y, là, vous avez plein de films. C'est à ça. Côté, je pense que les prix, là, c'est à peu près les mêmes prix qu'au cinéma. De toute façon, même si c'est un petit peu plus cher, c'est pas grave. Arrêtez de triper ces blockbusters. Il y a d'autres choses dans la vie que ça. Et puis, on aime des films en langue originale que j'ai entendu dire qui passaient au Tapis Rouge. Oui. Donc, c'est vraiment le fun. Oui, c'est ça. On va jeter là-dessus. Avant ça, je voulais pas interrompre ta chronique avec une blague. Gabriel Nadeau, qui a vieilli. Quasiment aussi vite qu'Obama. Gabriel Nadeau-Bama. Je ne savais pas comment placer. Gabriel. Ouais. Nadeau-Bama. Ouais, je ne savais vraiment pas comment placer. C'est tiré par les cheveux blancs. Bon! Oh! Tu vois? Voilà! Olivier! Voilà! On peut chopper ça, faire un meilleur moment. Je pense trop. Merci, Anne-Julie Durocher. Mais ça fait plaisir. À la semaine prochaine, c'est mardi à 8h30. C'est en plein, ça. Yeah! On retourne entendre une pièce que Jean-Fé n'a pas eu de la difficulté à épeler tantôt. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'on avait passé par-dessus ça. On va aller écouter une nouvelle chanson de Hotech. On a souvent écouté FM qui jouait dans les palmarès cet été. Hein? Oui. Et puis là, on a décidé de jouer la 9. C'est Lycanthrope. Ça s'écrit L-Y. C'est R-T-H-R-O-P-E. Assemblage requis. Ah, c'est ça. C'est ça. 10 septembre. 1-0, espace. Derrière mes yeux, de rêver. Licor Crop de Outek. Oh oui! Tantôt, on parlait de ça, avec... là, c'est vraiment payant au Scrabble. Licantrope. Y, puis... puis Outek. Genre, on n'aurait pas vraiment le droit, là, mais... Non, c'est pas un mot commun. Non. Pas très, très commun. Tantôt, on parlait avec Anne-Julie Durocher de Carré Rouge, et j'avais choisi une pièce pour aller en lien avec ça, puis j'ai oublié de la faire jouer tantôt, fait que la voici. Mise en contexte. C'est un vieux, vieux classique. J'adore cette formation. C'est Moussette. Et puis, en février 2007, ils ont sorti Reste en lumière. Voici la pièce Carré grandisse. Avec Carré grandisse, chanson de 2007. Oui, ben c'est vieux et c'est rare qu'on retrouve des pièces de 2007 sur Bandcamp. On est très contents. Oui, oui, c'est ben dadon. Ben dadon. Ben dadon. Ben dadon. Ben dadon ça. Ben ben. Get on là. Mathieu. Oui, sais-tu qu'en fin de semaine, c'est le lancement du nouvel album de Mister Valère? Non, je savais pas ça. Ben, je te dis. Tu m'apprends quelque chose, monsieur Mister? Oui, monsieur Mister. Muchacho. Oui, monsieur Valère. oui, c'est ça. Vendredi au Métropolis. Là, j'espère. Il me semble que c'est ça. Vendredi, Métropolis, le lancement. Puis après ça, ils sont à Québec. Samedi. Faudrait pas manquer ça, parce que sinon, ça serait quoi? Ben, ça serait... bon, on serait pas là. On serait d'autres Get Lit. Valère. Comment? Oh. Mais là, je pensais que tu y allais plus avec le nom de la toune. Ben non. Mais ça aurait pu, d'autres Get Lit. Est-ce que c'est la seule pièce qu'on a, Mister Valère? Ben, on pourrait aussi, si tu te dépêches, MV.mu, on pourrait écouter aussi Bellevue Avenue, que j'adore. Ben, on pourrait faire... Oh, attends un peu. Non, non, non. Là, tu... Ah, là... ah non, attends un peu. Ah, mon cerveau vient d'exploser. Wow. Mon cerveau vient d'exploser. J'en ai partout. Je me disais, ah, ce serait donc parfait pour une chronique ajoute ça à ton agenda, mais on l'a fait hier. Oui. Mais en même temps, vu, on pourrait jouer deux chansons et on pourrait faire un petit bloc. Non, attends, je suis en train de mettre la mauvaise intro. Ah oui, j'aime ça ce que tu fais là. C'est un petit bloc, il était deux fois. Oui. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Tu y adhères ou pas encore là, t'as deux choix. Pense-y deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire une fois. Ah, en parlant aussi longtemps, ça t'a enlevé l'effet de surprise complètement. Ben non, mais écoute, c'est correct, j'ai fait des liens physiques là. Good. Donc deux chansons de Mister Valère pour leur lancement qui aura lieu en fin de semaine. Oui, puis c'est deux chansons que j'adore, là, imagine. J'ai assez hâte d'avoir l'album complet là. Je suis allé, je me suis abonné à Ghoster. avec Mister Valère. Donc, c'est 9$ par mois que tu payes, qui est prélevé directement de ta carte de crédit. Ça, c'est comme Radio-Radio avait fait. C'est plus l'inverse. Radio-Radio a fait comme Mister Valère. Ok, je sais pas. Ouais, parce que, je sais pas si physiquement, ils ont entrepris les démarches avant ou quoi que ce soit, mais Mister Valère l'a sorti avant le Ghoster. Et puis, donc, c'est ça, c'est 9$ par mois. T'as le droit, on a comme une voûte. Et puis, il y a plein de choses qui sont déposées dans la voûte. Puis, on a droit à des spectacles, à plein de choses. Ghoster, t'écris ça G-H-O-S-T-R? Attends un peu. Si tu fais Mister Valère. Rapidement. En tout cas, je vais chercher pendant la chanson, mais c'est vraiment intéressant. Le concept m'impressionne. Ouais. Je vais trouver et des puis, artistes. Donc, c'est ça. Et puis, on a été invités au pré-lancement, si on veut, de l'album. Donc, non pas au pré-lancement, où tu fais juste t'es vaché sur ton divan. Non, c'est ça. C'était au Centre Phi. Écoute, ça fait déjà quelques mois de ça. Là, donc, je sais même plus à quel mois là, on est descendu là. Et puis, écoute, pour un prochain album qui augure très bien, ma foi, vraiment très, très bon. Là, fait que j'ai vraiment hâte d'entendre le nouvel album complet qui sortira sous peu. Probablement mardi, si c'est le lancement. Donc, mardi prochain, on vous tiendra au courant. Pour l'instant, on écoute deux pièces. Plus tard, il y aura ces Bellevue Avenue. Oui. Mais pour l'instant, on écoute Don't Get Là. Don't Get Là. Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées sur C'est Fou. C'est Fooster. On pourrait sortir un service demain. Fooster. Oui. Ouais. 10$, 15$. C'est vrai. Déductible d'impôts. C'était deux pièces de Mister Valère. Oui, monsieur. Don't Get Là et Sans Suivi de Bellevue Avenue. Oui. Deux chansons qui viennent me chercher. Et deux pièces de l'album Bellevue. Oui. Qui sort en fin de semaine. De mars prochain. Ben oui, ça c'est. J'espère que c'est pas à travers mon chapeau, là, mais le lancement a lieu en fin de semaine, donc ça devrait vraiment avoir lieu. En tout cas, je te le souhaite après avoir joué ça. Donc après la pause, Alexandra Carignan et sa chronique, le temps d'une culture, restez. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Putain, on m'a dû à ouvrir cette pochette-là. C'est comme trois affaires que je suis en même temps juste d'ouvrir la pochette. Elle veut pas. Donc, bon retour, c'est toujours Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Alexandra Carignan s'en vient dans quelques minutes pour le temps d'une culture, pendant que nous, on passe le temps. Hein? On va aller se dégourdir les oreilles. Oh oui, ben, on va aller se dégourdir les oreilles jusqu'à Montréal. Oh, comme dans Montreal. La chanson. The Damn Truth. The Damn Truth, c'est vrai. Détail important. Oui. To be sad, she said, maybe you just like to be mad. He said, that's not true. I may be dark, but I ain't blue. She said, you just got to let it go. Montreal de The Damn Truth. Oui. Ouf. Même à court terme, là, des fois, ça... Tu manques un peu de RAM. Faudrait upgrader ta mémoire. Pour un Mac. Oui, c'est ça. C'est pour ça que tu plantes tout le temps, t'es encore un PC. Ah, oh, c'est ça. Bon, ça va faire une niaiserie, là, parce qu'Alexandra Carignan est là pour mettre de l'ordre là-dedans. Voici le temps d'une culture. Bon matin! Bon matin! Ça va bien? Oui, toi, ça va? Sauf la pluie qui m'a frappée en m'en venant ici. Ah, ben là! C'est une petite pluie bruine là, qui est aussi mouillante que de la grosse pluie parce qu'elle est comme plus nombreuse. Belle fun. Donc, t'aimes ta pluie, toi, quoi? Liquide et. T'aimes ta pluie? Tu prends ta pluie comment, toi? Je prends de la SK. En fait, je la prends pas du tout. Moi, j'aime pas ça. OK. J'aime pas ça, ça détruit mes cheveux. D'accord. Tes beaux cheveux, ben bouclés, oui. Ce matin. Ben c'est ça, sont bouclés parce que j'ai passé du temps pour les boucler. T'sais, c'est ça l'affaire. Fait que là, c'est ça, la pluie a fait non, non, non. Ça marche pas de même. Pas bouclé. Tu me diras pas quoi faire, t'es pas ma mère. Ah, donc, on... on parle de culture comme toujours. Et aujourd'hui, on parle de culture et pas de n'importe quelle. Alors, on va parler d'histoire, mais aussi de programmation. Parce que hier, c'était le lancement de la programmation 2013-2014. Ils font ça en C++ sur un Commodore 64. J'ai bien compris de ça. Blague de geek. Joke de geek. Programmation HTML. Hey, moi, je suis tellement déçu de... Hier, Mathieu, pour en témoigner, je filais pas. Oh. Puis, je voulais y aller à la salle Thompson. Parce que, sincèrement, c'était tout un spectacle. Oh, dis-moi pas ça. Je vais quitter, OK? J'écouterai demain. Retourne te moucher. Ouais. Je vais pouvoir te raconter tout. Tu ne manqueras plus de rien. Non. Avec mes détails. Parfait. Mais tout d'abord, je vais vous parler un petit peu d'histoire. Écoutez, ici à Trois-Rivières, c'est une ville d'histoire et de culture, pour reprendre le slogan de plusieurs années. À Trois-Rivières, on a plusieurs endroits qui sont non seulement gratuits, mais qui présentent l'histoire en général. Plus particulièrement, ici, on parle du manoir Boucher de Niverville, qui est situé au centre-ville de Trois-Rivières. Alors, vous dites... À chaque fois, je travaille au manoir. Ouais, travaille. Là, je me fais de l'autopub. C'est ça, j'aimerais ça qu'on m'explique. C'est-tu un manoir ou un boucher? C'est un manoir, chérie. C'est pas un manoir. De viande. Pas de viande. Non, il n'y a pas de viande. Okay. Alors, le manoir Boucher Niverville, c'est la vieille maison qu'on retrouve en face du Zenob. Que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est un manoir. C'est un peu comme au Festivois, tu sais, la scène des Ursulines. Oui. C'est celle en face du Zenob. C'est celle en face, c'est ça. Celle en face du Zenob. Bon, un jour, on dira celle à côté du manoir Boucher Niverville. Voilà. Ce sera ma mission. Mais bon, le manoir, c'est un manoir qui est gratuit. La plus vieille maison qu'on retrouve à Trois-Rivières, donc elle date de 1730 quand même. Et elle a été habitée par Joseph-Claude Boucher-Niverville, qui a donné son nom, justement, là. OK? C'est ça, le boucher, là. OK. Okay. C'est le nom de la personne. OK, c'est pas nommé en hommage au manoir, le chose de spaghetti que je suis. Non! Le manoir du spaghetti, en fait, c'est l'ancienne maison des Hart. OK. Ça devient mêlant, je trouve. Ça devient mêlant. C'est pas facile, l'histoire. Et en fait, ce qui est intéressant avec le manoir Boucher-Niverville, c'est que non seulement on peut visiter le manoir gratuitement. Pas besoin de deux coupons. T'as pas besoin de deux coupons. Comme les spaghettis. Calvaire. Excuse-moi, je vais arrêter. Tu mitrailles ce matin. Allez, t'en oui, feu. Écoutez, on peut le visiter gratuit. En fait, c'est il y a une exposition permanente et une temporaire, mais aussi, c'est là ce qui est intéressant, il y a une programmation pendant l'automne au manoir Boucher-Niverville avec des activités tout autant gratuites. Alors là, on parle de conteurs. Et là, conteurs, c'est vraiment une soirée de contes. Moi, j'aime ça, les contes. Moi, c'est le pire moment de la semaine, là, quand tu passes sur le bel. Okay. Non. Ça l'air d'être trop, hein. Faire les comptes. Et trop. OK. Trop. Oh, ouf. Oui, il y a peut-être un petit peu de trop. Je vais pas noter l'heure. Okay. Ouais, c'est ça. En tout cas. Il a le malaise dans la chanson en plus en arrière. Oui. Ça gâche une chronique, ça. Elle a décidé de finir juste pour. Pèser sur le moment. Donc, les vendredis du compte, en fait, qui vont être là tout l'automne, c'est à 19h30, les vendredis du compte. Alors, tous les derniers vendredis du mois. C'est très intéressant. On a trois compteurs. Premièrement, Jean-Philippe Marcotte, Marc-André Fortin, pour certains. Ah, il est bon, oui. Oui, il est très, très bon. Et aussi Maxime Plamondon, que je peux pas dire s'il est bon, mais il doit être bon. Parce que je sais pas c'est qui, mais c'est sûr, sûr qu'il doit être bon. Et ça, en fait, c'est le 27 septembre, le 25 octobre et le 22 novembre. C'est gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire au manoir Boucher-Niverville. Donc, vous googlez ça, manoir, vous appelez, puis vous dites deux places, tel nom, tel numéro de téléphone. Parce que les places sont limitées. Cet été, on en a fait à l'extérieur. Là, il n'y avait pas de place limitée. On avait 70 personnes. Mais le problème, c'est que, bon, le manoir, il est petit. Alors, on a des places limitées pour vous assurer d'avoir vos places réservées. C'est gratuit, c'est bien, bien le fun. On a aussi, en fait, des conférences sur l'histoire en général. Donc, on en a une sur, c'est dans la thématique Les Fées du Roi. Hein? On en entend plusieurs d'un bord et de l'autre. Là. C'est l'anniversaire commémoratif des Fées du Roi. Alors, Sylvie Dépati, professeure du département d'histoire de l'UQAM, va offrir justement une conférence sur les Fées du Roi. On a Paul-Louis Martin, qui est un architecte. En fait, historien ethnologue, mais qui va justement parler de l'architecture québécoise. Très intéressant. Ça, c'est les dimanches à 14h. Et finalement, en fait, on va avoir Denis Blanchet, qui est un personnage très coloré à ce qu'on m'a dit, qui va parler de la mode en Nouvelle-France, le luxe en Nouvelle-France plus particulièrement, le 3 novembre. Alors ça, là, c'est 3 conférences, tout au 5 gratuites, les dimanches à 14h. Pour avoir les dates, en fait, je vous invite à aller voir le manoir Boucher de Niverville. Et finalement, on a des ateliers faite par la Maison de la Tradition, qui est une boutique à Saint-Mathieu-du-Parc. Ce sont des madames qui vous expliquent comment qu'on faisait les trucs dans le temps, dont le filage de laine. Hein? Le filage de laine. Vous voulez vous filer la laine? On vous explique comment filer la laine. Et oui, on fait ça, nous autres. On file la laine et les tapis de cire à 5 brins. 5, pas 4, 5. 5 brins. Multibrins, comme on dit. Multibrins. C'est meilleur pour la santé. C'est ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les madames vous montrent comment, mais vous avez aussi le truc pour le faire. Là. Donc, c'est multitask. Là. On le fait avec vous. Tu vas pouvoir essayer. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas juste on écoute la madame parler puis il dit, ben, vous essayerez ça à la maison. Non, non, non. Et dans le fond, votre manoir fait plus de choses qu'un iPhone. Crème, oui. C'est multitask. Est-ce que ton iPhone fait des tapis de cire à 5 brins? Non. Non, non, non. Multitask. Alors, Manoir Boucher Niverville, des comptes, des conférences, des ateliers, tout est gratuit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui coûte de quoi? Non. OK, tout est gratuit. J'avais compris. La boutique. La boutique. On a une boutique, la boutique de l'intendant, qui présente, en fait, on a les trucs de la Maison de la Tradition, donc les madames de Saint-Mathieu-du-Parc, qui a des mitaines, des bas de laine, des plein de trucs. Comment qu'elle s'appelle, la boutique? De l'intendant. T'as-tu une boutique pour mon intendant aussi? Je la rirai pas. Mon petit cochon qui est sorti. Ça me fait rire. Et voilà, donc le manoir chez Niverville. Je vous invite à visiter le site internet. C'est bien simple. www.google manoir chez Niverville. J'ai plus trop d'école. www.manoirboucher.com. Manoir de Niverville, peut-être. En tout cas, hey, je suis vraiment pas tête un matin. Alors, c'est pas grave, on est là pour vraiment gâcher encore plus ta chronique. Oui, c'est ça, tu sais. Je pourrais être tête tout seul, mais vous m'aidez. alors, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller le visiter aussi, c'est ouvert du 7 jours au 7 jours. Donc, du dimanche au dimanche, de 10h à 5h. D'un magazine à l'autre. D'un magazine. D'une sortie du 7 jours à l'autre c'est sortie du 7 jours. C'est ça. Donc, 10h à 5h, c'est gratis. Et pour la deuxième partie de chronique qui va être tout autant broche à foin, ben non, je vais être tête. Okay. Donc, ça parle de la programmation de la Corporation de développement culturel qui a été fait hier à la salle Jean-Antonio Thompson. En fait, ils font ça depuis maintenant 2 ans à la salle. C'est vraiment le lancement de toute la programmation. Et on a des artistes de chacune des salles qui viennent performer un petit showcase là, de ce qu'on va avoir comme spectacle. Juste pour teaser. Juste pour teaser assez. Il y avait beaucoup d'humoristes, on ne se le cachera pas. De toute manière, il y a beaucoup d'humoristes. Là. C'est ça la vie. Dans la vie. Wow. Je veux dire, il y a beaucoup de spectacles d'humoristes. Alors, on avait en fait Patrick Groulx, que je trouve qu'il en a perdu un petit peu. Mais il est rendu ma tante là, depuis qu'elle est ma Rouge FM. Ah, Yannick Marou, j'ai fait. Le matin, à Montréal. Oh, ouais. Là, je suis blessée dans mon dedans. Ben oui. Alors, on avait aussi... À moins que je me trompe. Alexandre Barrette. Moi, il me fait rire. Même quand il est plate, il est drôle. Alexandre Barrette. On avait aussi... oui, on avait François Mascotte, qui est l'humoriste de la Monsieur région. Scott Tawan. Monsieur Scott Tawan. Oui, c'est vrai. C'était-tu du bon matériel? C'était du bon matériel. Ouais, quand même. Moi, en fait, celui que j'ai aimé, j'ai oublié le nom. C'est un petit Français. Farid. Non. Merde. Il est français, là. Je sais pas. Jérémy Demé. Oui, c'est ça! Ah! Étienne. C'est le français Étienne. Jérémy Demé, moi, je l'ai trouvé particulièrement drôle, mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça avec un humoriste. J'ai failli m'acheter les billets, mais c'est le même soir que So Called. Et là, bon, je t'aime, Jérémy, mais pas à ce point-là. C'est ça. Alors, la programmation, en fait, il y en a beaucoup dans les salles. Jean-Antonio Thompson, on s'en fout un petit peu parce que ben ça devrait pas être bon. Mais moi, c'est mon jugement de valeur. Ouais. Oh, là, là. Même monsieur Dominique Plotson. Vous le connaissez pas, puis c'est correct. Non. C'est beau. Il a performé, c'était... Crooner? Non. Non? La voix? Non, non. Tu sais, c'est... du voyons, du de la salsa, là. Latino wow. style. Du latino, là. Oh, genre, Suave. Marc Cagliari. Oui, genre, quand je vois ouais. tes yeux, je suis à... Mais même pas Marco, tu sais, Marc Cagliari, là. Je sais pas son nom, là. Il y a quelque chose. Il y a une présence. Lui, il l'a pas. Okay. Il a déjà joué dans Anonymous. Aussi. C'est vrai, ça. C'est les vrai. Gens l'oublient. Ouais. Ah, j'avais oublié, moi. Ouais. Mais écoutez, ce qui était intéressant aussi, c'était la performance de Xavier Caféine, qui était là, qui a performé les lettres d'amour. T'as dit, mais ça, j'ai vu que t'as embrassé la pochette en arrivant. Ah, oh, oui, j'ai adoré. Comme le pape embrasse un sol. Il l'a mentionné, d'ailleurs, parce que... L'humoriste sol, les gars. Au lancement de la programmation, il y a... en fait, on peut pas faire venir le band au complet. Là. C'est l'artiste un peu avec sa guitare. Xavier Caffin l'a mentionné. Là. Mon show est beaucoup plus électrique que juste une guitare et moi. Et j'appréhendais un petit peu la chanson hein, parce que c'est une chanson qui rentre au poste. Mais en acoustique, elle était très, très belle. On a eu aussi, en fait, une performance d'une pianiste que je sais pas le nom parce que je la connaissais pas. C'était bien intéressant. Ben je t'ai dit la chronique un matin, je m'excuse. Tellement c'est-tu à tout comme le monde, la là? Pianiste? La pianiste. De la région? Ben, pas de la région. Non, OK. Non, québécoise. Elle était okay. partout, là. Pas une grille de Saint-Pierre. Non. Je m'en serais peut-être... Joram. Joram? Je sais pas si elle fait du piano. Mais en parlant de la région, on a eu une performance de June in the Field. Oui. Qui était, en fait, qui est constituée du chanteur de East Road et d'une fille c'est du bon, Quatuor. Ah. Ouais. De quel Quatuor? C'est le Quatuor... Avec quatre personnes dedans? Ça, je pense que c'est Yaz. Okay. Mais là, tu vois, ta blague m'a complètement ouais. enlevé le titre du. Bon, c'est pas grave, je t'aime pareil. J'ai dit. Alors, tout ça était bien beau. La programmation est vraiment le fun. Particulièrement à la salle Alain Salard-Rousseau et la salle Louis Philippe Poisson. Le Centre culturel Pauline Julien aussi donne une belle programmation. On y voit entre autres Keith Kuna, David Marin. Oui. Chantal Archambault. Chantal Archambault aussi. Ça va être vraiment bon. À la maison, en fait, à la Maison de la Culture, Salaïs Salarousseau, on a Damien Robitaille, on a Kim Churchill, on a So Called, genre Thomas Jensen. Il y en a vraiment, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, je dis pas ça pour plugger le nom de la station. Il y a vraiment une très belle programmation. Et à la salle Louis-Philippe Poisson, ce qu'on va avoir, et elle a performé hier. Je vais vous faire entendre sa dernière chanson. Elle est sublime. Elle est toute petite, toute belle. Et en fait, elle a une belle aura de timidité. Elle est sublime, je l'ai dit. On va aller écouter « Comme des rames » de Claude Pelgag. Oh, découverte pour moi dans ce cas-ci. J'ai croqué ta pomme d'Adam. Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant, en botte d'eau ou même en soulier. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé une île à colorier. Mais je n'ai rien pour tailler nos crayons. Comme des rames qui auraient trop ramé, nos couleurs ont fini par s'estomper. J'ai cassé l'aviron, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête, j'ai cassé sur ta tête, cassé l'aviron, j'ai cassé sur ta tête. Serait un pavé, on s'assoirait dessus pour exister. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était un appel outre-mer. Un coup de toi, c'est un coup de la terre. Je l'ai reçu en plein. Je l'ai cassé sur ta tête, je l'ai cassé. l'au-delà de l'eau. Je crois que j'en ai avalé, mais tu sais le rhume que tu m'avais donné. Je l'ai perdu quand tu t'es noyé. J'ai hissé ton nom, ton visage, ta douceur, au plus haut des mains de mon cœur. C'était comme des rames de Claude Pelgag. J'espère que sa belle voix a fait pardonner ma maladresse d'aujourd'hui. Non, arrête donc. Je n'étais pas une bonne chroniqueuse. Mais sachez que si vous avez aimé ça, elle sera en spectacle à la salle Louis-Philippe Poisson le jeudi 6 février 2014. Dit-elle en sortant ses billets pour dire... C'est parce que c'est ça, je ne me rappelais plus de la date. Là, là, je m'étais bien rattrapée oui. Et tu mentionnes que je suis encore pas une fois... voilà. On est de même, nous autres, on est rabat-joie. Oui. Vous êtes rabat-joie, c'est ça. Je vais commencer ma journée à reculons. Oh non! Je pensais qu'on avait au moins amélioré ta journée. Ben non. Blagues. Alors, écoutez, si vous voulez être au courant de toute la programmation qu'il y a dans les plusieurs salles, on parle de la salle... J'ai entendu Thompson parce que le TNM est quand même là. À la Maison de la Culture, donc Alain Savard-Rousseau, Louis-Philippe Poisson, le Théâtre du Cirque de Trois-Rivières, mais aussi la salle, le Centre culturel Pauline Julien. Je vous invite à aller sur www.enspectacle.ca. Tout est là. En fait, vous allez pouvoir avoir tous les spectacles. Si vous aimez autant de musique que moi, là, votre année va vous coûter cher. Parce qu'il y a vraiment plein de spectacles qui vont être très, très bons. Et sinon, ben, prochain Zone Campus, vous allez avoir les détails de cette programmation. C'est clair, on te lit toutes les semaines dans Zone Campus. Et pour les auditeurs du mardi, oui. Il y a un match de la Luitre ce soir, faut le rappeler. Oh que oui! Alors, ce soir, donc mardi, on retrouve à la Chasse-Galerie dès 19h30. On a devancé d'une demi-heure, on se le rappelle. Ce sera le match promotionnel de la Luitre. Les quatre capitaines, nouveaux capitaines, qui vont affronter quatre anciens. Mm-hmm. Alors, c'est à ne pas manquer. Ça va être bon. Très excitant. Merci, Alexandra Carignan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'est les mardis à 9h. Oui, voilà. Nous, on va se quitter pour cette édition d'Assemblage Requis. On va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30. On dirait qu'à partir de 7h30. Ça va être ça dans la pub, ça va être en accéléré. Ça. Ah oui? Je vole des punchs. Hein. Oui. Donc, merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à Alexandra Carignan, à Anne-Julie Durocher, bien sûr. Demain, à l'émission, on va avoir Stéphanie Paradis. Oui. Et sa chronique sur les petits bonheurs. Elle va nous jaser des joies de sa vie personnelle. Oui. On va aussi avoir Véronique Mire et la suite de son Véronique Chialard. On l'a pas vu depuis un mois environ. Oui, pour ceux qui nous ont suivis cet été, c'est là un peu la suite de ce qu'elle a fait cet été, dans le fond. On prend une lettre puis on découvre des mots. On est rendu à la lettre O. O. Comme O tech. Oui. Ou O, galons. Orteil. Orifice. Ah oui. Et aussi, on va faire parler d'orifice. Kinky Sexy Time. Et voilà. Dans l'émission de demain. Les liens se suivent et se ressemblent pas. Oh non. On va se quitter avec une pièce parlant de haut, encore une fois, L'Orpheline. Parfait. De Xavier Gaffine pour Alexandra. Yay. Yay. Puis nous, on s'en va demain matin. Ben, c'est ça. Ben, à demain. À demain. Ouais. le crime.